Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Par Éric Simon. Quand les galaxies naissent, elles n'ont pas encore leur élégante forme spirale. Une équipe d'astrophysiciens vient de débusquer la galaxie spirale la plus lointaine, ou la plus jeune, à ce jour. Elle se trouve dans l'univers âgée de seulement 2,6 milliards d'années. Cette galaxie spirale, nouvelle détentrice du record de distance, porte le nom de A1689B11. Les chercheurs australiens, américains, israéliens et français ont exploité le spectrographe infrarouge NIFS, Near Infrared Integral Field Spectrograph, monté sur le télescope Gemini North, situé à Hawaï, et la technique de lentille gravitationnelle. C'est en effet quasi uniquement avec des lentilles gravitationnelles que l'on peut observer des galaxies individuelles aussi lointaines. Ce que montre l'image déformée et amplifiée par un facteur 7,2 de A1689B11, la lentille est jouée ici par l'amas de galaxies Abel 1689, hein, d'où son nom. Cette image que les chercheurs ont reconstruite, c'est en fait une image dédoublée de la galaxie, ce qui leur permet de reconstruire en détail sa structure interne. On découvre alors une galaxie arborant des bras spiraux primitifs dans un disque très fin, ayant une vitesse de rotation très uniforme d'environ 200 km par seconde. Tian-Tian Yuan de la Swinburne University et ses collaborateurs ont mesuré le taux de production d'étoiles de A1689B11. Il est de 22 masses solaires par an, soit 20 fois plus élevé que celui de notre galaxie à l'heure actuelle, et cohérent avec le taux de production d'étoiles de galaxies de masse similaire à la même époque. La masse totale de cette galaxie est d'environ 10 milliards de masses solaires, c'est donc encore une petite galaxie. Les galaxies spirales sont extrêmement rares dans l'univers âgé de moins de 3 milliards d'années, les galaxies jeunes étant avant tout chaotiques et turbulentes. Cette découverte va donc permettre aux spécialistes d'un peu mieux comprendre la phase de transition entre système d'étoiles chaotiques et disque fin et calme. Tian-Tian Yuan et ses collègues estiment que leur découverte est le premier spécimen de la classe des premières galaxies spirales. Ils attendent maintenant beaucoup du télescope spatial Webb, dont l'une des spécialités sera justement l'étude des toutes premières galaxies de l'univers. L'article de Tian-Tian Yuan et ses collaborateurs va bientôt paraître dans The Astrophysical Journal. Le titre de l'article est « The Most Ancient Spiral Galaxy, a 2.6 giga-year old disk with a tranquil velocity field ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut !